Non, Monsieur X ne peut pas tout savoir. Et, tout autant que moi, vous devez vous interroger. Comment peut-il, semaine après semaine, éclairer de façon inédite les dossiers dont il m'entretient? Et d'où tient-il ces exceptionnelles informations? Depuis longtemps, je crois vous l'avoir déjà dit, je soupçonne Monsieur X de disposer d'un véritable réseau de correspondants des anciens des services secrets qui, comme lui, éprouvent le désir de faire savoir ce qu'ils ont trop longtemps dissimulé, par devoir ou peut-être pour soulager leur conscience. Aussi, de plus en plus souvent et parfois grâce à votre courrier, j'ai l'habitude de suggérer à mon interlocuteur des sujets d'entretien à propos d'affaires demeurées mystérieuses, avec l'espoir que M. X, en interrogeant ses informateurs ou en compulsant ses propres dossiers, saura me livrer son lot de révélations sur ces histoires non élucidées. C'est ainsi qu'il y a quelques semaines, en faisant des recherches sur Internet sur les réseaux Gladio et la loge italienne P2, j'ai découvert une étrange information. Un ancien agent de la CIA, Dick Brenneck, affirmait que l'agence américaine qui avait télécommandé les activités illicites et criminelles de cette pseudo-loge maçonnique était aussi impliqué dans l'assassinat du premier ministre suédois Olof Palme en février 1986. Un assassinat dont le ou les auteurs n'ont jamais été identifiés malgré une longue et minutieuse enquête policière. Intrigué, j'ai donc demandé à M. X s'il disposait d'informations sur cette affaire qui a bouleversé la Suède. Il m'a promis de faire des recherches. Et cette semaine, enfin, il m'a proposé de me parler de ce dossier. Et grâce à lui, j'ai pu entrevoir la vérité sur la mort mystérieuse du leader socialiste suédois. Olof Palme n'était pas seulement le grand homme politique de son pays, c'était aussi un personnage qui avait une stature internationale. Oui, et puis une autorité morale. Incontestablement, d'une certaine façon, Palme incarnait la morale en politique. Ouais, à cause du fameux modèle suédois aussi. Et d'une rigueur très scandinave. En outre, il ne faut pas l'oublier, la Suède était un pays neutre. Alors Palme, c'est certain, ne plaisantait pas avec les grands principes. Et ça l'autorisait à tort ou à raison à se poser comme un donneur de leçons dans la plupart des grandes questions internationales. Mais par exemple, Palme avait critiqué avec la dernière vigueur la politique des États-Unis au Vietnam. De la même façon, il avait critiqué les Américains lorsque Salvador Allende, qui était son ami, a été tué dans les conditions que vous savez. Oui. Il était donc très anti-américain ? Non, pas foncièrement anti-américain. Mais c'est vrai qu'il ne ratait pas une occasion de dénoncer l'impérialisme américain et les activités occultes de la CIA. Oui. Alors, par contre, alors, ses relations avec le camp de l'Est... Palme n'était pas moins sévère. Il a critiqué les interventions soviétiques en Tchécoslovaquie, en Pologne et bien sûr en Afghanistan. Mmh. Et je crois me rappeler, moi, qu'on a prétendu que Palme faisait parfois preuve d'une étrange mansuétude pour le régime soviétique. Ça, c'est faux. Palme, bien que neutre, se rangeait franchement dans le camp occidental. Mais en tant que militant du désarmement et de la coexistence pacifique entre les deux blocs, il est vrai qu'il a quelquefois ménagé le Kremlin, peut-être plus qu'il n'était nécessaire. Mmh. Au fond, c'était donc un pragmatique. Tout à fait. Mmh. Les soviétiques, c'est évident, lui ont souvent fait de l'œil. Et ils ont essayé de le séduire. Bien sûr. Pour eux, cet homme qui osait enfin critiquer si vivement les États-Unis était un allié objectif. Il a même failli devenir plus. C'est-à-dire ? Là, je peux vous révéler que le KGB a tenté de le recruter. C'est-à-dire d'en faire un agent. Mais comment ? Oh, de la façon la plus simple du monde, en lui mettant dans les pattes un journaliste très attachant qui, comme Palme, avait une mère d'origine lettonne. Très rapidement, les deux hommes sont devenus de grands amis. Ouais, mais c'est pas aller plus loin. À ma connaissance, non. Ce journaliste a sans doute essayé d'influencer son ami Palme, mais celui-ci n'est pas devenu un agent. A-t-il compris pour autant que le KGB voulait se servir de lui ? Alors ça, je ne le sais pas. Certains grands hommes, par ailleurs retors et manœuvriers, font parfois preuve d'une étrange naïveté. Mais enfin, passons. En fait, le leader suédois était réellement, sincèrement un pacifiste, un infatigable partisan du désarmement et aussi un défenseur résolu des droits de l'homme, partout dans le monde. Mmh, ce qui devait lui faire pas mal d'ennemis. Hein. Naturellement. Palme, pour pas mal de dirigeants, était un personnage encombrant, un gêneur. Et lorsqu'au lendemain de son assassinat, on cherchera qui pouvait avoir intérêt à le tuer, il y aura pléthore. Enfin, n'allons pas trop vite. Ouais, d'accord. Alors, on peut peut-être parler des circonstances de cet assassinat. Vous ne vous rappelez pas ? Vaguement, si. Olof Palme sortait d'un cinéma de Stockholm, c'est bien ça ? Oui, ouais. Mais regardons de plus près la chronologie. Ce jour-là, le 28 février 1986, c'est une journée de travail ordinaire pour le Premier ministre suédois. Tôt le matin, il fait du sport. Puis en milieu de matinée, il demande à ses gardes du corps de le conduire dans un magasin de vêtements. Et les deux hommes sont furieux. Et pourquoi, ça leur plaît pas ? Non, ce n'est pas ça, mais ils apprennent à cette occasion que la veille, Olof Palme est allé acheter un costume et ils n'ont pas été mis au courant. Mais je comprends toujours pas. Ben si, ça signifie que le Premier ministre est sorti tout seul, donc sans ses gardes du corps. Et ce n'est pas la première fois. Olof Palme supporte mal la présence continuelle de ces hommes qui assurent sa sécurité personnelle. Lui, il adore flâner dans les rues et il entend vivre comme tout le monde. Mmh. Une parenthèse avant de poursuivre là. Est-ce qu'il se sentait menacé ? On l'a dit. Sa femme aurait même eu l'impression que leur immeuble depuis quelques jours faisait l'objet d'une surveillance. Mais Palme n'en a pas tenu compte. Et il n'a rien voulu changer à ses habitudes. Bon. Alors, poursuivons la chronologie. Escorté... Il se rend donc dans ce magasin de vêtements. Oui, le costume qu'il a acheté la veille ne lui plaît pas. Et il va le rendre. Puis il retourne à son bureau et il travaille jusqu'en fin d'après-midi. Et les gardes du corps, hein ? Il les a libérés. Il n'a plus besoin d'eux jusqu'au lendemain. Et dès qu'il a fini son travail, il rentre chez lui à pied. Donc sans protection ? Oui. Son appartement situé dans la vieille ville se trouve à 1 kilomètre de ses bureaux. Et Palme aime bien faire ce trajet à pied, seul, bien entendu. Et ensuite, alors ? Quand il regagne son domicile, il reçoit un coup de fil de son fils. Celui-ci lui propose d'aller au cinéma. C'est ainsi que vers 20h30, Olof Palme et sa femme Lisbeth quittent leur appartement. Tranquillement, comme n'importe quel citoyen suédois, ils prennent le métro et 3 stations plus tard, ils descendent et se dirigent vers le cinéma Grand, où l'on projette un film récent, Les Frères Mozart. Mmh. Et là, au cinéma, ils retrouvent leur fils. Oui, ouais. Celui-ci est accompagné de son ami. Et ensemble, les deux couples font la queue devant le cinéma. Non, pas de place réservée. Pas du tout. Je sais que ça doit vous paraître surprenant, mais nous sommes en Scandinavie. Et là-bas, un homme politique fut-il, le Premier ministre, ne se permettrait pas de tirer avantage de sa fonction pour obtenir des passe-droits. Tout le monde ne le fait pas, ça. Ouais, hein. Ça fait rêver. Hein. Ouais. Mais je suis d'accord avec vous. Bon, le film se termine vers 23h. Devant le cinéma, les deux couples se séparent, mais les Palme ne partent pas tout de suite. Olof vient de reconnaître parmi les spectateurs qui sortent de la salle le président du syndicat des fonctionnaires. Les deux hommes bavardent un moment et promettent de se voir prochainement. Une soirée donc parfaitement paisible. Tout à fait. Et même si c'est anecdotique, je peux vous dire que le syndicaliste, après avoir pris congé de Palme, dit à son épouse « Quel pays fantastique, la Suède !» Tu imagines un Premier ministre qui peut aller au cinéma comme n'importe quel particulier ? Vous voyez ce que je vous dis ? Ouais, mais il ne pouvait pas savoir que quelques minutes plus tard, Palme aurait cessé de vivre. Et justement parce qu'il avait choisi de vivre comme tout le monde. Mmh. Alors, que se passe-t-il justement ensuite ? Bah, malgré le temps frisqué, on est en février, ne l'oubliez pas, les Palme décident de rentrer chez eux à pied. Et en chemin, sur l'avenue, ils s'arrêtent devant l'adventure d'une boutique indienne. Puis ils reprennent leur chemin, mais soudain, alors qu'ils passent devant une droguerie, un homme caché à l'angle d'une rue bondit vers eux, et c'est le drame. Mais l'assassinat. Oui, le tueur agit comme un professionnel, il arrive derrière le Premier ministre, l'agrippe, et lui tire 2 balles de revolver dans le dos. La mort est instantanée. Pratiquement, oui. L'homme a tiré presque à bout touchant avec une arme de gros calibre. Palme ne pouvait pas s'en sortir. Et l'assassin ? Il s'enfuit, se précipite vers un escalier qu'il escalade à toute allure, et il disparaît. On ne le reverra pas. Pourtant, la police a été très vite prévenue par un passant. Mais les barrages tarderont à se mettre en place, et pour tout dire, dans cette affaire, les policiers vont accumuler les bourdes, à moins que... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Eh bien, que c'est l'une des grandes questions de ce dossier, mais si vous le permettez, nous reviendrons sur ce point un petit peu plus tard. Bon, alors je vais patienter, comme d'habitude, quoi. Est-ce que la femme de Palme a pu voir l'assassin ? Brièvement, oui. Mais elle-même a été légèrement blessée par une des balles qui a traversé le corps de son mari. En tout cas, elle donnera un signalement relativement précis. Et elle croira même pouvoir l'identifier plus tard lors d'une séance de tapissage, comme disent les policiers. Ouais. Quand même. Oui, mais je suis persuadé que Lisbeth Palme s'est trompée. D'ailleurs, ce type qui sera une première fois condamné avant d'être finalement acquitté en appel ne jouera tout au plus qu'un rôle de bouc émissaire dans cette mystérieuse affaire. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Je ne veux pas déflorer la suite du récit de M. X, mais à l'évidence, si Olof Palme a été assassiné, c'est parce qu'il s'impliquait dans les affaires internationales. Ce qui ne veut pas dire qu'en Suède même, les assassins n'aient pas bénéficié de complicité. Jean Parent a signé dans l'Encyclopédia Universalis un article biographique sur Palme. J'en extrais ces quelques lignes. Malgré ses talents d'administrateur, c'était avant tout les relations internationales qui le préoccupaient et l'intéressaient. Il différait en cela de ses prédécesseurs et allait donner une orientation nouvelle à la vie politique suédoise. Sans rompre avec la tradition de neutralité de la Suède, il s'engagea cependant beaucoup plus dans la politique mondiale. Pacifiste convaincu, il participa activement à plusieurs organisations internationales travaillant à la cause du désarmement. Une commission de l'ONU fut même appelée communément Commission Palme. Partisan du dialogue Nord-Sud, il fut membre de la commission Brandt. Alors qu'il est vice-président de l'Internationale socialiste, ses prises de position en faveur des mouvements de libération sont très marquées. En 1968, à la veille de devenir Premier ministre, sa participation, aux côtés de l'ambassadeur du Vietnam du Nord à Moscou, à une manifestation à Stockholm en faveur de ce pays, scandalisa une partie de l'opinion et entraîna une tension assez forte entre la Suède et les États-Unis. Ses adversaires lui reprochaient de réserver ses sympathies au mouvement et au pays pratiquant le socialisme le plus militant. Il ne faut cependant pas oublier qu'il condamna avec vigueur l'attitude soviétique en Tchécoslovaquie, en Pologne et en Afghanistan. Son dernier acte sur le plan international fut une tentative de médiation entre Irak et Iran, sans grand succès, il est vrai. L'activité d'Olof Palme sur le plan international était plus morale que réellement efficace. Peut-être. Mais ce n'était peut-être pas l'avis des commanditaires de son assassinat. Je vous l'ai dit, dès l'annonce de la mort de Palme, une multitude de pistes se présentent. Alors voyons dans l'ordre. C'est d'abord vers l'extrême droite que se tournent les regards. Pourquoi ? Parce que Palme était socialiste ? Oui, évidemment. Palme était haï par les milieux de droite, les milieux d'affaires, bien sûr. Et il avait pris des positions très violentes contre certains régimes militaires, en Amérique du Sud en particulier. Oui, Pinochet. Pinochet, bien entendu. Et ça ne pouvait pas lui valoir d'amitié à l'extrême droite. Or, assez vite, les enquêteurs pensent tenir un coupable. Et ça tombe bien parce que la population suédoise a été frappée, bouleversée par cet assassinat. Imaginez, le premier meurtre politique en Suède depuis 2 siècles. Alors, la police est donc sous pression. Naturellement. Je vous donnerai un seul chiffre, mais il est suffisamment éloquent. Au cours de l'enquête, plus de 18 000 Suédois vont être entendus. Et pourtant, vous m'avez clairement laissé entendre que la police n'avait peut-être pas tout à fait fait ce qu'il fallait. Oui, je vous ai promis d'y revenir. Et ce présumé coupable, alors ce... Un jeune militant d'extrême droite interpellé 15 jours à peine après l'assassinat. Un type qui appartient au POE, le Parti Ouvrier Européen. Un mouvement créé aux États-Unis et qui a des antennes en Europe. Mais sur quoi se fondent les policiers pour l'accuser ? Ce jeune homme qui ne cache pas sa haine pour Palme ne disposait d'aucun alibi. C'est un peu mince, non ? Oui, et après avoir commencé à passer aux aveux, il se rétracte. Et comme il n'y a rien contre lui et qu'il finit par donner un véritable alibi, on doit le libérer. Ouais, fausse piste. Hein. Fausse piste, oui. Et ensuite ? Peu de temps après, le chef de la police de Stockholm fait une déclaration fracassante. Nous sommes sûrs à 95% de tenir le coupable. Et cette fois, de qui s'agit-il ? D'un Kurde. Attendez, pourquoi un Kurde irait-il assassiner le Premier ministre suédois ? Parce que, explique la police, Olof Palme a récemment refusé au PKK, le parti séparatiste des travailleurs du Kurdistan, d'ouvrir un bureau à Stockholm. Et pourquoi ? Parce que le gouvernement suédois considère que le PKK est une organisation terroriste. Ouais, mais est-ce que c'est suffisant pour justifier l'assassinat du Premier ministre ? Non, mais dans le même temps, après le meurtre de 2 dissidents du PKK, les autorités suédoises ont entrepris de mettre un peu d'ordre dans ces milieux kurdes particulièrement remuants. Ouais, alors c'est pour toutes ces raisons que les Kurdes auraient assassiné Palme. Exactement. Enfin, c'est en tout cas la piste longtemps privilégiée par la police. Et c'est une hypothèse qui aura la vie dure. Ceci, malgré les rafles, les policiers font chou blanc. Tandis que l'opinion suédoise parle non sans raison de chasse aux sorcières à propos des rafles dans les milieux kurdes. Alors les enquêteurs doivent se résigner à chercher d'un autre côté. Là où maintenant ? Ce sont maintenant les Croates qui sont montrés du doigt. Encore une fois, permettez-moi de m'étonner, qu'est-ce que les Croates ont à faire avec la Suède ? On peut se le demander, en effet, mais la police a exhumé une vieille affaire. L'assassinat 15 ans plus tôt de l'ambassadeur de Yougoslavie en Suède par des anciens oustachis. Mais cette accusation ne tient pas longtemps la route. Alors, pêle-mêle, on invente n'importe quoi. Par exemple ? On parle des Israéliens, puisque Palme était un partisan résolu de la création d'un État palestinien. On évoque aussi la piste finlandaise. Le voisin finlandais. Oui, il paraît que des citoyens de ce paisible pays auraient été mêlés à des trafics d'armes. Mais ce n'est pas fini. On pense aussi aux Irlandais de l'IRA. Et bien sûr, on murmure que le KGB ou la CIA auraient pu être les commanditaires de l'assassinat du dirigeant suédois. Eh bien, fait du monde, hein. Alors, voyons dans l'ordre, le KGB, pourquoi? Puisqu'on avait dit que Palme, globalement, poursuivait une politique plutôt favorable au bloc soviétique. C'est vrai, mais il y avait l'Afghanistan. Et Palme ne cessait de dénoncer avec force l'occupation soviétique. Ouais. Et la CIA? Ah là, ça semblait un peu plus sérieux. Pour quelle raison, alors? Les livraisons clandestines d'armes à l'Iran. L'Iran Gate? Oui. Vous savez, car nous en avons souvent parlé, que le gouvernement Reagan s'était engagé à fournir des armes aux Iraniens en guerre contre les Irakiens, et malgré l'embargo décidé par l'ONU. Oui, cet argent, l'argent gagné à cette occasion servait à financer les contrats sans lutte contre le régime marxiste en place au Nicaragua. C'est cela. Ah, oui, alors certaines de ces armes, surtout des explosifs ou des missiles, étaient de provenance suédoise. Vous voulez dire fabriquées en Suède? Oui, par deux sociétés, Nobel Chemi et Bofors. Il apparaît que Palme avait décidé de mettre fin à ce trafic. Oui. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas que les Américains qui avaient intérêt à se débarrasser de Palme, il y avait aussi les Iraniens. Vous avez tout à fait raison. Ouais. Eh bien, c'est ce que je vous disais, ça fait beaucoup de monde. Beaucoup, oui. Mmh. Et j'ajoute, même si ça doit vous faire sourire, qu'on a aussi évoqué une piste politico-sentimentale. Vous avez raconté, là, c'est intéressant. Olof Palme aurait eu, remarquez bien que j'utilise le conditionnel, aurait eu donc une liaison avec une jeune Britannique. Il aurait même fait en sorte de faire engager sa protégée dans la commission internationale pour le désarmement qu'il présidait. Mmh, d'accord, mais le rapport avec son assassinat? Cette jeune femme avait un papa membre des services secrets anglais. Un homme qui venait d'être récemment identifié comme étant une taupe soviétique. Oula, et vous pensez que, attendez, que la jeune femme, téléguidée par son père, aurait pu user de son influence auprès de son amant? C'est ce qu'on a prétendu. Enfin, voyant que malgré sa liaison avec Palme, celui-ci ne se laissait guère mener par le bout du nez, elle aurait averti son père et ses chefs. Et le KGB serait intervenu radicalement en faisant supprimer Palme. Bon, ben pardonnez-moi, mais ça me semble complètement tiré par les cheveux. Mais là, je partage un petit peu votre point de vue. Bon, quand même. Alors, conclusion, nous n'y voyons toujours pas plus clair. C'est juste, hein. Oui. Alors, comme dans tout bon roman policier, reprenons les choses depuis le début. Ouais, je vois où vous en venez. Les bourdes de la police, c'est ça? Les bourdes ou les négligences. Des négligences criminelles. Ah, vous insinuez que la police suédoise pourrait être impliquée? Pas la police dans son ensemble, mais des éléments de la police, assurément. Et aussi certains membres de la police secrète. Il est à peu près certain que les nombreuses fausses pistes que j'ai énumérées ne sont pas nées spontanément. Elles n'ont eu pour but que de brouiller le jeu et donc de permettre aux véritables auteurs de l'assassinat de passer à travers les mailles du filet et de se faire oublier. Et vous voulez parler des auteurs de l'assassinat? Mais les auteurs, mais seul un homme a tiré sur Palme. Hein, c'est vrai, ça, ouais. C'est vrai, mais enfin, il disposait d'une véritable logistique. Il y avait sur place toute une équipe chargée d'en finir avec le premier ministre suédois et Palme avait peu de chances de pouvoir échapper à ce piège. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Avant de revenir sur les dernières allégations de M. X, revenons un instant sur la piste kurde. Elle aura la vie dure, a dit M. X, en effet. Et curieusement, ce sont des Kurdes eux-mêmes qui vont relancer cette hypothèse. En 1998, 12 ans après la mort d'Olof Palme, un repenti kurde du PKK, Semdin Sakik, avoue que c'est son organisation qui a assassiné le premier ministre suédois. Mais la police suédoise ne tient pas compte de ces aveux qui n'ont sans doute pas été aussi spontanés qu'il y paraît au premier abord. Mais en février 1999, nouveau coup de théâtre. Le chef du PKK, Abdullah Öcalan, emprisonné par les Turcs, fait à son tour des révélations. Je cite le journal Le Monde, daté du 3 mars 1999. Le chef rebelle kurde, Abdullah Öcalan, a accusé son ex-épouse, aujourd'hui réfugiée en Suède, d'avoir ordonné l'assassinat de l'ancien premier ministre suédois Olof Palme, selon le quotidien populaire turc Sabah, qui a cité samedi 27 février les « confessions » entre guillemets du chef du PKK. L'assassinat d'Olof Palme a été ordonné par mon ex-épouse Kézir, selon les informations qui m'étaient parvenues après l'attentat, a dit le chef kurde lors de son interrogatoire par des magistrats dans la prison de l'île d'Imrali, en mer de Marmara, où il est détenu. Olof Palme avait été tué en février 86 à Stockholm à la sortie d'un cinéma et son meurtre n'a jamais été élucidé. L'ancien bras droit d'Abdullah Öcalan, Semdin Sakik, qui comparaît depuis juin 1999 devant la justice turque, avait affirmé en avril 1998 que l'assassinat de Olof Palme avait été l'œuvre du PKK dans des confessions, encore entre guillemets, publiées par le même quotidien. Mais, vous l'avez compris, M. X ne croit guère à cette hypothèse. Vous avez parlé de toute une équipe autour de l'assassin de Palme. C'est juste, et la preuve de la présence de cette équipe a été curieusement apportée par certains de vos confrères. Des journalistes qui, effarés par le peu d'empressement des policiers à entendre les vrais témoins, ont fait le travail à leur place. Et ce qu'ils ont récolté est très édifiant. Quoi ? Une femme, par exemple, pénètre quelques minutes avant Palme dans la station de métro qui se trouve à proximité du domicile du Premier ministre. Or, elle remarque un homme. Pourquoi ? Parce qu'une antenne dépasse de sa veste. Et soudain, elle le voit parler dans un talkie-walkie. Ça aurait pu être un homme attaché à la protection de Palme. Non, je vous l'ai dit, Palme a renvoyé ses gardes du corps. Mais ce n'est pas fini. Cette femme monte dans la rame de métro en même temps que le Premier ministre et elle constate que juste avant que les portes ne se ferment, un homme monte dans le train. Un homme qui se place non loin de Palme. Il surveille ? Le témoin a effectivement cette impression. Et ensuite ? Un autre témoin, le conducteur de métro de la rame, voit Palme et son épouse descendre de son train. Et il observe que deux hommes suivent le couple. Quelques minutes plus tard, alors que le Premier ministre vient d'entrer à l'intérieur du cinéma, plusieurs témoins remarquent dans la rue des hommes équipés de talkie-walkie. Et je peux vous le dire tout de suite, ces mêmes hommes seront observés à plusieurs reprises avant et après la fin de la séance. Même pas très discret, c'est hein ? C'est vrai, mais sans doute parce que ces hommes sont sûrs d'eux. C'est-à-dire qu'ils pensent ne courir aucun risque ? C'est ce que je crois, hein, et vous allez voir pourquoi. Et je continue à vous écouter. Hein. Une femme qui habite à 300 mètres du cinéma se trouve derrière sa fenêtre au moment où la salle de spectacle se vide. Et elle voit une voiture de patrouille de la police garée sur le trottoir devant chez elle. Elle est intriguée. Pourquoi intriguée ? Parce qu'à bord, il n'y a qu'un policier, alors que d'habitude, dans les voitures de patrouille, se trouvent toujours deux policiers. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'elle voit distinctement l'homme en uniforme parler. Mais il n'utilise pas la radio de bord, mais lui aussi un talkie-walkie. C'est en effet un peu plus bizarre, ouais. Et soudain, l'auto démarre en trombe et disparaît. À peu près au même instant, un passant remarque un nombre anormalement élevé de voitures de police qui roulent en direction du cinéma. Palme a déjà été assassiné ? Non, pas encore. Pas encore. Alors pourquoi autant de voitures de police dans le coin ? D'autant qu'après vérification, le bureau central ne fera état d'aucun incident justifiant un tel déploiement dans le quartier à cette heure-là. Hmm. Donc soyons clairs, vous pensez que tous ces policiers étaient là pour protéger le ou les tueurs ? Ça me paraît assez évident. Mais je continue. Olof Palme reçoit donc les deux balles mortelles et son meurtrier s'enfuit. Mmh. Mais avez-vous dit, il se précipite dans un escalier. Oui, ce que je ne vous ai pas précisé, c'est qu'un courageux passant se lance à sa poursuite. Il le rattrape ? Non, le tueur a pris trop d'avance. Et lorsque ce passant arrive en haut des escaliers qui débouchent sur une autre rue parallèle, cette voie est déserte, à l'exception toutefois d'une voiture de police qui roule gyrophare éteint. Mmh. Une voiture qui aurait pu prendre à son bord le tueur ? Écoutez, franchement, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, quelques minutes plus tard, à 500 mètres de l'endroit où Palme est tombé, deux hommes se préparent à monter dans un bus. Ils semblent exténués. L'un d'eux porte à la main une petite sacoche bleue en plastique, tout à fait semblable à celle qu'utilisent les policiers pour ranger leurs armes de service. Mmh. Et des témoins remarquent ces deux hommes-là ? Oui, d'abord le chauffeur de bus, oui. Puis un producteur de télévision qui se trouve à bord. Tous deux sont intrigués par ces hommes. Surtout que l'un des deux hésite à monter dans le bus, puis renonce. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que 4 jours plus tard, ce producteur de télévision assiste à un procès. Or, qui voit-il dans la salle ? L'homme à la sacoche bleue. Celui qui a renoncé à monter dans le bus ? Non, l'autre. Et il porte l'uniforme de la police. Et d'autres témoins, retrouvés par les journalistes qui ont mené cette formidable enquête, établiront que ce policier prénommé Alfred se trouvait bien cette nuit-là dans les parages de l'endroit où a été assassiné Palme. Quant au deuxième homme, il est aussi identifié. C'est un policier nommé Gunnar. Et il fait équipe avec Alfred. Tous deux sont des policiers assez spéciaux. Qu'est-ce que c'est, des policiers assez spéciaux ? Eh bien, au cours de leur carrière, ils ont accumulé un nombre impressionnant de plaintes pour brutalités diverses. Mais étrangement, ils n'ont jamais été poursuivis, ni a fortiori condamnés. Autre chose, tous deux appartiennent à un club de policiers amateurs de baseball très politisés. Des amateurs de baseball politisés ? Oui, ces gens-là professent des opinions de droite plutôt extrémistes et ils ne se cachent pas de vouer une haine farouche aux dirigeants socialistes Olof Palme. J'ajoute qu'il n'est pas rare d'entendre dans leurs réunions des chants nazis. Ah ben, voilà donc une piste enfin sérieuse, hein ? Oh, combien ! Et la cellule d'enquête de la police est immédiatement informée. Mais il se trouve que l'homme qui dirige cette cellule d'enquête est justement l'homme qui a créé ce club de baseball. Très embêtant, n'est-ce pas ? Oui. Mais cet homme n'a nulle envie d'incriminer ses amis, c'est tout ça. Tout à fait. Hein. Et assez habilement, Holmer, le directeur de l'enquête, passe le bébé au service secret, la SAPO. Un service qui a été autrefois dirigé par ce même Holmer. Et dont les membres ne sont pas spécialement progressistes, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je crois voir ce que vous voulez dire. Alors, résultat ? Ben, l'enquête sur les policiers Alfred et Gunnar est sabotée, caviardée. On fait pression sur les témoins, on refuse d'entendre les suspects. Bref, on enterre l'affaire. Ça semble quand même énorme. Oui. Surtout dans un pays démocratique comme la Suède. Mais c'est la vérité. Vous voulez d'autres preuves ? Le registre de la police où figurent tous les appels d'urgence a été trafiqué. Mais pour quelle raison ? Dissimuler le fait que l'alerte concernant l'assassinat a été volontairement retardée. Retardée pour donner le temps au tueur de s'enfuir. Mais évidemment, d'autre part, on a pu établir que plus de 30 policiers se trouvaient ce soir-là dans un périmètre de quelques centaines de mètres autour du lieu de l'attentat. 30 hommes, dont une bonne moitié n'avait rien à y faire. Ça ne vous semble pas clair ? Écoutez, oui, peut-être, mais moi j'ai du mal à croire à ce complot policier, d'accord ? Ces hommes haïssaient Olof Palme, mais tout de même... D'une certaine façon, vous avez raison. Expliquez-moi. Mais ces gens-là n'ont pas agi de leur propre initiative. Ils ont en quelque sorte exécuté un contrat. Alors, d'accord, mais pour le compte de qui ? Palme a toujours été un adversaire résolu de l'apartheid. Et il était même à l'origine des mesures internationales de boycott contre l'Afrique du Sud. Sans compter que l'État suédois finançait généreusement les activités des adversaires de l'apartheid. Les Africains du Sud, donc. Ah, c'est la bonne piste. Laissez-moi poursuivre. 3 ou 4 jours avant l'assassinat de Palme, s'est tenue à Stockholm une conférence sur l'apartheid, où étaient conviés des dirigeants importants de l'ANC. L'ANC, le parti de Mandela, hein ? Oui, qui luttait alors dans la clandestinité contre le pouvoir blanc. Or, nous avons pu établir que plusieurs agents sud-africains ont aussi fait le voyage de Stockholm. Et parmi eux, un homme que nous connaissions bien, un certain Williamson, qui avait déjà participé à plusieurs attentats contre des dirigeants de l'ANC. Ce sont donc ces hommes qui ont mis au point l'assassinat de Palme avec la complicité de policiers suédois. Oui, mais ce n'était pas Palme qui était d'abord visé, c'était les chefs de l'ANC. Mais sans doute étaient-ils trop protégés et ils ont pu repartir de Stockholm sans avoir pu être approchés. Alors les tueurs ont décidé de changer de cible et de frapper Palme qui était aussi leur ennemi. Il leur restait quand même peu de temps pour se reconvertir. C'est vrai. Mais Palme, qui refusait la plupart du temps de sortir avec son escorte de sécurité, leur a facilité la tâche. Et ça n'a pas dû être trop compliqué aux tueurs d'improviser cet attentat, grâce à leurs complices dans la police suédoise. J'ai vérifié, c'est vrai. Il y a eu une conférence anti-apartheid à Stockholm entre les 21 et 23 février 1986, c'est-à-dire effectivement quelques jours avant la mort de Palme. D'autre part, je vous signale que dans son numéro du 6 avril 1995, le Courrier international a longuement rendu compte de l'enquête très précise des deux journalistes Lars Borgnas et Sven Anner sur l'implication de la police suédoise dans l'assassinat d'Olof Palme. Enfin, en septembre 1996, deux anciens chefs d'une unité antiterroriste sud-africaine, Eugène de Kock et Dirk Coetzee, ont affirmé que le premier ministre suédois avait bien été tué par des agents appartenant à leur pays. Ainsi, je lis dans l'Humanité du 30 septembre. Dirk Coetzee, prédécesseur du colonel de Kock à la tête de la Vlakplas, unité secrète chargée des pires mauvais coups pendant la période de l'apartheid, a spontanément cité le nom d'Anthony White dans une interview téléphonique à l'AFP. Il n'a pu préciser sa nationalité ni dire s'il s'agissait du vrai nom de l'homme ou simplement d'un nom d'emprunt. L'ancien chef de l'escadron de la mort de l'apartheid a indiqué avoir appris le nom du tueur présumé par d'anciens agents sud-africains et a à son tour accusé les services secrets sud-africains d'avoir été impliqués dans cet assassinat. Le déroulement exact de l'opération n'est pas clair. Le service de renseignement sud-africain a travaillé sur une base confidentielle afin d'en préserver les détails. Dirk Coetzee a également confirmé les dépositions sous serment d'Eugène de Kock sur l'implication du super-espion sud-africain Craig Williamson dans l'assassinat. Toutefois, malgré ces aveux tardifs, l'affaire n'a jamais débouché sur des inculpations et officiellement, le dossier demeure ouvert. À samedi prochain. Et je vous rappelle que vous pouvez communiquer avec nous sur www.franceinter.com, sur Internet, bien sûr.